formelle un petit peu orale. Donc, pour répondre rapidement, moi je suis, comme je l'ai déjà communiqué, pas du tout opposée hein, à valoriser. Tu peux fermer ton ordinateur, tu es en train d'enregistrer. Je suis en train de vérifier si j'ai des choses à vérifier. C'est-à-dire ? Donc, pour notre entretien ? Ne vous inquiétez pas. Donc, absolument pas opposé à valoriser ton départ, ton investissement, enfin, ce qui est une transaction financière, qui, voilà, je l'ai déjà dit par le passé, je l'ai écrit, donc non, il n'y a aucun problème. Par contre, la seule chose pour moi qui est nécessaire, un petit peu comme on a fait pour nos enfants, c'est que la communication entre nous étant ce qu'elle est, je préfère que ça se fasse par des avocats. Donc, est-ce que toi, tu as gardé un avocat ? Est-ce que tu as un avocat qui te conseille pour la partie travail ? Moi, je t'écoute. Hein. Voilà. Donc, ça sera plus rapide, ça sera plus efficace et surtout, ça sera une garantie, autant pour moi que pour toi, que les choses sont faites de manière légale et coordonnée et avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc, aucun problème pour travailler autour de ça, mais... Maître Protière, que j'ai déjà sollicité, tu peux donner ses coordonnées, je peux te les redonner si tu ne les as pas, un avocat, et comme ça les avocats se parlent un peu comme on le fait pour nos enfants. Voilà, et est-ce que tu as des choses à dire déjà par rapport à ça ? Non. Donc, tu es là pour discuter ou tu es juste là pour m'écouter ? Ben, je pense que c'est assez précis dans les mails qu'on a échangés. Moi, je suis venu pour écouter tes propositions. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Moi, j'ai proposé une réunion directe, c'est-à-dire une discussion. Donc, j'attends un avis quand même, parce que si c'est juste pour te dire ça... Bah, comme j'ai dit, hein, je pense que c'est assez clair dans les échanges de mails. Moi, je suis venu pour écouter tes propositions concernant l'indemnité, rémunération, éventuellement de préavis, les conditions dans lesquelles vous... Enfin, ce qui est assez clairement, je pense, exprimé depuis des semaines maintenant dans mes mails. Donc moi je te propose ça, c'est-à-dire une valorisation de ton départ, mais ça a déjà été fait, Derek, ça a déjà été fait il y a longtemps. C'était quand ça ? C'était des échanges entre nos avocats, entre Google et mon avocat. Le fait de dire que tu n'étais pas proposé, mais d'après ce que je sache, il n'y a eu jamais eu le moindre chiffre proposé. Ah si, si, ah bon ? C'était quoi ? C'était basé justement sur, il y avait un départ minimum qui était sur les fonds propres de l'Union Bleue. C'était quoi ? Tu te rappelles le chiffre ? Bien sûr, c'est 60 000 euros les fonds propres. Donc voilà, il y a 10% de ça. Ça, c'est la deuxième chose. 6 000 euros. C'est un point de départ. Donc le point de départ, juste pour que je sois clair, c'est 6 000 euros. Le point de départ est 10% de la valeur de l'entreprise sur ses fonds propres. D'accord. 6 000 euros. Au dernier bilan, c'était 60, je ne peux pas D'accord. te dire, donner le chiffre exact. Aux alentours de 6 000 euros. Voilà, donc en fait, il y a deux choses pour moi qui sont importantes dans le travail qui sera fait autour de cette valorisation pour laquelle je dis je ne m'oppose pas, c'est qu'il y a une communication entre avocats, et comme je l'ai déjà exprimé dans d'autres courriers, que tu te feras relire par Maître Bougot, hein, parce qu'elle est la destinataire de ces courriers, donc normalement elle aurait dû te les donner. Que cette valorisation se fasse par le rachat de tes parts de l'Union Bleue. Ah, donc en fait, c'est un achat de mes parts, c'est pas du tout une valorisation de mon... C'est une valorisation par... Parlons de deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a les parts, le rachat de mes parts, et après il y a la valorisation de mon travail. Donc pour vous, ces deux choses sont intimement liées, c'est ça ? C'est exactement ça. Okay. Tu as parlé de ton investissement de 13 ans, n'est-ce pas ? Je ne m'appelle pas. C'est ce que tu as mis dans ton mail. Donc, si tu préfères, tu as parlé d'un investissement de 13 années. D'accord ? Donc, cet investissement de 13 années, il passe par la valorisation de tes parts dans l'entreprise. Donc, le point de départ, pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation qui est soumise en fait que ton départ de l'Union Bleue doit être un départ complet, un départ... au niveau de ta mission professionnelle et un départ au niveau de ton actionnariat dans le monde, et que la communication doit se faire par avocat. Le point de départ au niveau des propositions financières, je te renvoie aux communications, je les mets au pluriel, qui ont déjà été faites entre avocats. La dernière devrait dater de novembre 2013, c'était peu de temps, c'était autour de la convocation au tribunal pour nos enfants, parce que tu avais répondu par une lettre par ton avocat comme quoi tu voulais venir discuter, et moi on avait proposé une date et des chiffres à ta demande, et ce courrier restait sans réponse, donc la communication repart par là. Après, si toi tu as aussi des propositions à faire, des points de départ de négociation, tu n'hésites pas à les faire, soit maintenant, si tu veux me donner un chiffre, moi je t'en ai donné un, soit par ton avocat, ou par un courrier que tu rédigeras à l'attention de notre courtier. Tu as d'autres questions ? Je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions ? Non. Tu as des commentaires ? Non. Ensuite, pour la fin de ta mission ici, moi, ça, c'est pas le sujet. Ah, si, si, bah, si, parce que tu parles. Bah, là aussi, je pense que. Tu parles de préavis, entre guillemets. Non, je parlais des conditions de préavis, ce que vous avez à proposer, ce que tu as proposé. Les conditions, c'est pas seulement les conditions financières, mais il y a aussi non, ce que tu fais, d'accord. C'est-à-dire que moi, depuis 3 semaines, moi, j'ai des gens qui me disent où est l'EREC, qu'est-ce qu'il fait. Donc, il y a eu l'excuse, entre guillemets, des vacances scolaires, mais maintenant, il n'y a plus. Je n'ai pas compris l'excuse. Bah, moi, je peux donner comme contexte de ton absence le fait qu'il y avait des vacances scolaires et que tu t'occupais des enfants. Pourquoi? Mais du jour au lendemain, personne pourquoi? N'a plus... Mais pourquoi? Il y a quand même des mails, il y a eu des échanges où tu as annoncé que tu étais en congé, d'accord. Et après, toi, tu n'as rien reçu concernant le fait de... établir les conditions de mon préavis. Mais je t'ai répondu ça. La réponse c'était que jusqu'au 30 juin, tu continuais à travailler. Donc, c'est à l'écrit, c'est à plusieurs. Donc, tu as reçu plusieurs extrêmement clair là. Donc, pour les conditions de mon préavis, pour toi, c'est. Ce n'est pas un préavis, hein. Tu sais que ce n'est pas un préavis. Un préavis, c'est destiné aux gens qui ont une situation de salarié. Donc, c'est la fin de ta mission commerciale. Donc, pour les conditions de mon préavis. Je ne comprends pas ta question, en fait. Quelles sont les conditions de mon... Bah, ok, ça, ok. Donc, tu comprends pas ma question. Bah, en fait, je voudrais être sûre de pouvoir y répondre comme il faut. C'est-à-dire que moi, je t'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'écrit que jusqu'au 30 juin, tu continuais à faire ton travail comme tu le faisais normalement. Donc, en donnant tes jours de présence pour une dizaine d'heures par semaine... Tu transmets tes jours de présence, tu continues à faire les sauvegardes, tu continues à faire le travail que tu fais d'habitude, et au 30 juin, cette mission s'arrête. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans ? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu continues à poser la question. Ok. Ça a été établi dans la lettre que je t'ai envoyée en courrier recommandé et répété par d'autres mails. Jusqu'au 30 juin, tu peux continuer à faire ton travail... Voilà, la restitution du matériel, ça aussi je l'ai mis par écrit, n'étant pas un empêchement à ton travail. Le matériel est là, tu l'utilises comme tu l'as toujours fait, mais au lieu de le ramener chez toi, il reste ici, c'est tout. Ok. Est-ce que ce sont des conditions qui peuvent te convenir ? Je peux être commentaire. C'est tout ? Moi j'ai déjà communiqué, j'ai rien d'autre à rajouter. Tu continues à faire ton travail normalement. Tu as des leçons avec M. de Combrillant aussi ? Mais ça non plus, je pense que ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui. Ben si, puisque ça considère, ça concerne... Moi, je n'ai absolument rien qui dit qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, dans le mail sur le rendez-vous d'aujourd'hui. Et après, dans les conditions de la fin de ta mission, il y a aussi, je t'ai sollicité à plusieurs reprises, sur la communication qu'on ferait au staff. Et je n'ai pas eu de réponse. Qu'on ferait, oui. On étant... Pourquoi soit moi toute seule, soit toi et moi. J'avais proposé 3 solutions, mais j'ai toujours pas de réponse. À mon email et les conditions. Tu me dis que tu avais mis une échéance, non ? Oui, mais moi, comme de toute façon tu respectes pas les échéances et que personne. Non, tu avais mis une échéance en disant sans réponse de ma part, tu le feras tout seul, non ? Mais tu réponds pas au mail. Donc, mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est que tu avais mis ça comme échéance, donc après, je sais pas. Hein. Très bien. Voilà, donc pour les conditions de la fin de ta mission, je vois rien d'autre. Donc, du coup, voilà. Si par exemple, par contre, tu m'annonces aujourd'hui que tu vas continuer à être absent, il est évident que. Non, je ne fais aucun annonce aujourd'hui. Je ne peux pas te payer. Ça fait 4 semaines que tu es absent, 3 semaines. Donc, il n'y aura pas de paiement autour de ça. Et pour le mois d'avril, je t'ai demandé aussi des précisions sur la période travaillée, parce que le mois d'avril est un mois qui n'est pas clair. Il commence au mois de mars, il est au mois de mai. Là aussi, je ne pense pas que c'est un sujet de discussion d'aujourd'hui. Ben, si, en tout cas, pas dans les mails que j'ai par rapport aujourd'hui. Ça fait partie de la condition, des conditions de la fin de ta mission. Comment ça? C'est-à-dire? À partir de la date où tu as reçu le courrier recommandé, où je t'annonce que je souhaite mettre fin à nos relations commerciales, le mois d'avril rentre dedans. Donc ça fait partie de... Ça ne date pas du mail, ça date d'une lettre. Mais il y a eu d'autres mails après. Le mail, je dis le dimanche, juste avant. Le dimanche, juste avant de quoi? C'est pas très clair. Que j'ai reçu, donc j'ai reçu ta lettre, je crois, la semaine du... Première semaine de mars, c'est ça? Le fin mars, voilà, c'est ça, première semaine d'avril. Et il y a eu un mail, je crois, le 29, c'était ça, ou le 26? Non, c'était juste avant. Donc ça date du lettre, ce que je veux dire. Qu'est-ce qui date quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui date de quoi? De quoi tu es en train de parler? Pardon, je n'ai pas compris alors. Tu peux répéter? Mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je viens de dire que je ne comprends pas ce que tu... Non, par rapport à M. de Pontbriand, ce que tu voulais dire. Monsieur de Pontbriand, il y a une convention en cours. Je demande quand vont se programmer les cours. Normalement, ça s'arrête au 12 juin. Et ça, c'est lié à les conditions de mon préavis? Bien sûr, les conditions, il n'y a pas de mots autour de conditions. Il y a conditions matérielles, il y a conditions logistiques, il y a conditions... Enfin, les conditions, c'est un terme qui est quand même très vague. Moi, je peux y faire rentrer ce que je considère être important pour la bonne marge de l'entreprise. Donc, pour l'instant, ce que tu veux rentrer dans mes conditions, c'est ma présence et de Pontbriand. Non, c'est ta présence, monsieur de Pontbriand. Les conditions financières, puisque je te dis que si tu es absent, tu ne seras pas payé, d'accord. Et après, tu parles de valoriser un investissement de 13 années, je reprends tes mots. Je comprends pas, parce qu'il me semble que c'est deux choses différentes. Il y a les conditions de mon préavis. Non. Ah, ok, donc tout est lié. Les conditions de ton préavis t'ont été annoncées dans la lettre recommandée, donc tu travailles jusqu'au 30 juin, tu es payé jusqu'au 30 juin. Ok. Voilà. Et après, ça, c'est en paix. Si tu veux valoriser ton départ, si tu estimes qu'il y a des choses à négocier et à valoriser, je te renvoie à notre communication précédente. Je souhaite que cette communication se fasse par avocat. Et pour moi, cela englobe automatiquement le rachat de départ. Voilà. Et après ça, si tu as des précisions à apporter, moi je pense avoir... fais plus que ma part dans cet entretien. Toi, tu arrives ici, tu prends des notes et tu ne discutes de rien. Tu ne précises rien. Le mot « condition » est pas clair. Le mot « préavis » est mis entre guillemets. Donc, est-ce que toi, tu peux apporter des choses à cette discussion? Parce que sinon... Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Je ne sais pas. C'est toi qui a rédigé ton mail. Donc, moi, il y a des mots qui apparemment posent problème. Le mot « condition » pose problème. Donc, est-ce que tu pose peux problème préciser à moi, puisque apparemment, on ne se comprend pas. Moi, je parle de condition. Non, moi, je... Enfin... Mais si tu n'as rien rajouté, l'entretien est terminé. Ok, très bien. Non, il y a 86, la maison est en bon état. C'est plus juste mettre à notre goût, quoi. D'accord.